بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع ثارهم تفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا في الدعاء الاستفتاح. On avait pu voir dans le dernier cours deux hadiths. Le hadith rapporté par Muslim, selon Ibn Umar, radiallahu anhuma, qu'une personne, après qu'il avait fait le takbir, takbir al-haram, il avait dit Allahu akbar kabiran, alhamdulillahi kathiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. On a pu voir à travers ce zikr que ça ne demande qu'il est légiféré de louer Allah subhanahu wa ta'ala sans que ceci, yani, soit parmi les azkar que le prophète, alayhi sallallahu sallam, disait. Kadhalika, c'est thabata min sahabi akhar, comme on va le voir aujourd'hui, qu'il a loué Allah subhanahu wa ta'ala par une louange dont le prophète, alayhi sallallahu sallam, n'avait pas l'habitude de faire. Donc ceci nous montre que dua al-istiftah, ce n'est pas tawqifiya. Dua al-istiftah, c'est pas tawqifiya. Que l'insan, à partir du moment qu'il yahmad Allah azza wa jal, on comprend que le maqsad, ce qui est recherché à travers du'a al-istiftah, c'est le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin le mieux, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Naam. Ces azkars-là qui sont évoqués, ce sont des azkars qui font partie de la sunnah, comme on appelle taqririya, celle dont le prophète alayhi salatu wa salam a approuvé. Naam. Et kazaïka, on a vu le hadith après, hadith ibn Abbas, et ce hadith-là, on peut voir qu'on pouvait le dire dans les salawats qui sont nafila ou bien celles qui sont fariyada, obligatoires, ou celles qui sont surérogatoires. Allahu akbar kabiran, alhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukaratan wa asila, c'est un dhikr qui est légiféré de dire dans les deux sortes de prières. Amma, le hadith qui est un peu long, celui d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, muntafakun alayh, que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, avait pour habitude de dire, fit tahajjud, Allahumma lakal hamd, anta nur samawati ard, et là, après le hadith qui est un peu long. Ça, c'est spécifique au nawafil et surtout fit tahajjud. Surtout fit tahajjud. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas connu de lui qui faisait cela, fi as-salawat al-mafrouda, lakin fit tahajjud, na'am. Faut en poursuivre, inshallah, tabarak wa ta'ala. À savoir que, le sheikh al-Iryani, hafizahullah ta'ala, dans le livre, et c'est la première édition, je pense. Dans son livre, le hadith qui vient après, c'est Allahumma Rabba Jibra'il. Tandis que dans l'application, il n'y a pas Allahumma Rabba Jibra'il, lakin il a échangé par un autre hadith. Ama dans l'application, ceux qui ont l'application, normalement après le hadith qui est long, Allahumma lakal hamd anta nur sama'at ard, normalement le hadith qui suit, c'est le hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhuma, fi sahih muslim, qu'une personne avait dit, alhamdulillahi, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, pour faire dua al-istiftah. Ça, c'est dans l'application. Il a remplacé ce hadith-là, alhamdulillahi, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, par le hadith qui est évoqué dans son livre, Allahumma rabba jibra'il wa mika'il. Naam. On va suivre, inshallah, bitartib, celui qui est dans le livre. Donc on va lire le hadith qui n'est pas موجود dans l'application, lakin qui est موجود dans le livre. On va expliquer pourquoi il a, wallahu a'lam, supprimé ce hadith-là dans l'application. Tam. كذلك من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه عليه أنه كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تمام. ce hadith là il a apporté par l'imam muslim alayhi rahmatullah selon Aisha radiallahu anha. C'est à la suite d'une question que lui a posé Abu Salama, le fils d'Abdurrahman ibn Auf, qui fait partie des sahabes qui dont le prophète alayhi sallatou salam a garanti le jannah. Fait son fils Abu Salama, il a posé la question à Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha. Faqala laha بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. Donc il lui a dit, يا أم المؤمنين, quelle était la chose par laquelle le prophète عليه الصلاة والسلام avait pour habitude de dire pour ouvrir les prières de nuit. Donc là, ce hadith-là, qu'on vient de lire, ça s'applique pour les prières de nuit et non pas pour les prières obligatoires. فقالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته. Elle a dit, lorsque il souhaitait prier la nuit, il commençait la prière, ou bien avant de lire Al-Fatiha, il disait في الدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخر الحديث. نعم. Ce hadith-là, il faut savoir que certains, malgré qu'il est dans le recueil de l'imam muslim rahimahullah ta'ala, certains l'ont critiqué parmi les mutaqaddimin, les anciens, parmi les a'imma comme Ad-Darqutni et autres. Enfin, ils ont critiqué ce hadith-là. Lakin as-sahih, c'est que le hadith, il est authentique. Certains pourront dire, mais c'est quand même bizarre de dire que ils ont critiqué le hadith alors qu'il est dans Sahih al-Muslim. Et ce qui est connu, c'est que les hadiths qui sont présents dans Sahih al-Bukhari et kazalika dans Sahih al-Muslim, ce sont des hadiths qui sont tous authentiques. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que la majorité des hadiths qui sont présents dans le Bukhari et au Muslim sont tous authentiques. Excepté, certains hadiths qui sont très rares, surtout dans le Bukhari, il y en a très peu, dans lesquels certains ont été critiqués, c'est-à-dire par rapport à certaines qawaïd du hadith, lakin tu vas retrouver dans d'autres recueils comme fi sunan et kazalika dans le recueil de l'imam Ahmad et autres, des shawahid, des hadiths qui vont renforcer la chaîne de transmission de ces haditha qui ont été critiqués dans Al-Bukhari et kazalika dans Muslim. Dans Muslim, il y en a un peu plus, lakin certains des hadiths ne sont pas authentiques. Mathalan, le hadith qui est dans Muslim, dans lequel il est dit حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. Le hadith, il est maqloub, il a été renversé, il a été narré de la mauvaise manière. Dans ce hadith-là, il est dit dans Muslim, par rapport aux personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, il dit parmi ceux-là une personne qui était très discret dans ses ibadat-là, au point où sa main droite ne savait pas ce que donnait sa main gauche. C'est marloub dans l'islam, c'est qu'on donne de la main droite. La main droite, c'est pour donner et prendre, et non pas dans la main gauche. Amma, dans ce hadith-là, qui est dans le muslim, il est dit, au point où sa main droite ne sait pas ce que dépense sa main gauche. Pour montrer que cette personne-là est sincère et fait preuve de discrétion dans sa ibadat-là. Lakin, le hadith, il est maqloub. Il a été récité de la mauvaise manière. Et il est dans le muslim. C'est pour montrer que ces recueils-là, même s'ils sont s'accordent à dire que c'est un recueil qui est authentique, certains des hadiths, ils sont très rares, ne sont pas authentiques comme celui-là. Le hadith sahih, c'est que au point où sa main gauche ne sait pas ce que dépense sa main droite. L'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il évoque souvent ce hadith-là pour montrer que il n'y a que le kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfait. Et les autres livres en dehors de ceux du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala, de celui du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont voués à l'erreur. Même si jamais cette personne-là fait l'effort pour essayer de le ramener à la perfection, son kitab sera amené à être critiqué, ou on trouvera dedans des erreurs. Et c'est le cas dans Bukhari, kazalika, un hadith dans lequel il est dit, au point où Allah azza wa jal va créer des êtres pour l'enfer. Alors le hadith, normalement, c'est il va créer des êtres pour le paradis. Il va créer des créatures pour le paradis. Dans le hadith, dans Bukhari, il est dit, il va créer des créatures pour l'enfer. Enfin, ça, kazalika, c'est une erreur. Donc, il y a certains des hadiths qui sont évoqués dans Bukhari ou Muslim, et c'est très rare dans lequel il y a des erreurs. Donc, c'est pour ça qu'il a retiré le hadith. Parce que ce hadith-là a été critiqué. Lakin as-sahih, kama qala al-Sheikh Ibn Hizam, hafidhahullah ta'ala, ceci est un hadith qui est totalement authentique. Allahumma rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, فاتر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. Ça, c'est un hadith qui est légiféré de dire lorsque la personne souhaite faire le tahajjud, se lever et prier la nuit. Comme on a pu voir, tahajjud, c'est la prière de nuit qui est faite après le sommeil. Celui qui dort et ensuite se lève pour prier, on appelle ça tahajjud. Mais celui qui prie directement après l'Isha, fait ça, on appelle ça qiyam al-layl. Tahajjud, la bouddha que cette personne-là dort. Naam. Donc, dans ce hadith-là, il est dit, Allahumma, donc, ya Allah, oh Allah, Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Ça s'appelle At-Tawassul. C'est-à-dire, yani prendre en intermédiaire de certaines œuvres afin que Allah Azza wa Jal accepte yani mieux ta duha. Allah Subhanahu wa Ta'ala accepte les duha. Wa idha salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yurshadun ila akhirih. Allah Azza wa Jal il exauce les duha. Et kadhalika il met des causes pour que les duha soient beaucoup plus exaucés. Comme par exemple le fait de demander à Allah Azza wa Jal dans les moments où les duha sont beaucoup plus entendus, comme c'est le cas en safar, comme c'est le cas entre l'adhan ou l'iqama, comme c'est le cas dans les derniers tiers de la nuit. Kadhalika min asbab al-istijaba, pour qu'Allah Azza wa Jal exauce nos duha, le fait de faire at-tawassul. At-tawassul, c'est le fait de prendre soit des œuvres dans lesquelles on pense avoir été sincère, comme c'est le cas des trois personnes qui étaient coincées dans la grotte. Chacun d'eux a imploré Allah subhanahu wa ta'ala en évoquant une œuvre dans laquelle ils pensaient être sincères, jusqu'au point la qissa ma'roufa qu'Allah azza wa jal leur a facilité la sortie de cette grotte-là. Ça, c'est un tawassul, mais l'a'mal saliha. Kadhalika at-tawassul bi asma'illah subhanahu wa ta'ala wa sifatih. Le fait de, lorsqu'on demande à Allah azza wa jal, mettre avant la demande de faire du sana, le fait de faire la louange à Allah subhanahu wa ta'ala concernant ses asma et ses sifat. Ça fait partie d'une chose qu'on appelle le tawassul. Yani, au lieu de demander directement, fa il fait un tawassul. Il prend l'intermédiaire pour être exaucé. Le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala par ses asma, par ses sifat, par ses actes, par ses œuvres dans lesquelles il pensait être sincère. Ça, c'est ce qu'on appelle At-tawassul. Allah il dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Et parmi الدُّعَى بِالْأَسْمَى, c'est le fait de faire des sana, de louer Allah subhanahu wa ta'ala avant de demander, comme c'est le cas ici. فَإِلَى الْوَى اللَّهِ Allah subhanahu wa ta'ala par sa seigneurie رَبَّ جِبَرَائِيل. Allah subhanahu wa ta'ala il a رَبَّ كُلَّ شَيْءٍ. Lakin le fait qu'il annexe Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, qui sont trois anges qui ont une fonction qui est énorme. Jibra'il il est muwakkal bil wahyi, celui qui est à qui on a donné le rôle et la fonction de transmettre le wahy et la révélation. Mika'il, c'est celui qui a le rôle de la pluie. Israfil, c'est celui qui a le rôle de souffler dans la trompe. Yawm al-qiyamah, ou plutôt avant le qiyamah. Alladhi yanfakhu fi s-sur. Enfin, ils ont des rôles qui sont importants. Naham. Fa qala al-ulama, Jibra'il, lui, il est muwakkal bi hayat al-qulub. Jibra'il, on peut dire qu'avec Jibril, les deux sont corrects. Fa il est muwakkal, il a été, sa fonction est de s'occuper des choses qui vont faire revivre les cœurs. Al-Wahyi, il fait revivre les cœurs. Mika'il, c'est celui qui est en fonction des choses qui vont faire revivre la terre. Et Israfil, c'est celui à qui on a donné la fonction de faire revivre les morts. Naam. Fa ces trois-là, comme qu'il al-Ulama, comme c'est évoqué dans le Sharh de Tahawiyah de l'imam Ibn Abil'iz, rahimahullah ta'ala, ces trois-là, ils sont souvent évoqués car ils ont des rôles qui sont mu'allaq bi al-haya. Ils ont des rôles qui sont relatifs et liés à la vie. La vie des cœurs, la vie des terres et la vie, la résurrection. Ce sont trois malikas qui sont azim jiddan. Allah Azza wa Jalla, Rabb kull shay, qui le fait d'évoquer ces trois malikas qui ont une charge et une fonction qui est énorme. Ça rajoute du sana fi Allah subhanahu wa ta'ala. Fatir as-samawati wal ard, kadhalika, deux créations qui sont énormes, dans lesquelles il y a l'alternance du jour et la nuit, dans lesquelles l'insan recherche son risque, dans lesquelles il recherche l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, dans lesquelles il y a des signes évidents qui augmentent la foi. Ce sont deux créations qui sont énormes. As-samawati wal ard, ce sont deux créations qui sont énormes. Souvent ils sont liés à Allah subhanahu wa ta'ala, car ce sont deux choses qui sont énormes. عالم الغيب والشهادة الله عز وجل كما قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله عز وجل il est موصوف بصفة العلم. إن صفة علم qui n'est pas précédé de جهل كما قال العلماء ولا يسبقه نسيان. Sa science ne connaît pas l'ignorance et ni كذلك l'oubli. فالله عز وجل il est موصوف بالعلم de toute chose سبحانه وتعالى حتى الشيء الذي لا يكون لو كان عرف كيف يكون. Au point où la chose qui n'existe pas, si jamais elle était existante, Allah Azza wa Jalla saurait comment elle était, si jamais elle était existante. Fa Allah subhanahu wa ta'ala alim kulli shay. Alim al-ghayb, les choses qui sont invisibles, wa ash-shahada, les choses qui sont visibles. Fa si jamais on sait cela, on se doit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. On se doit de craindre Allah Azza wa Jalla, ça nous rajoute de na'am khawfu minhu subhanahu wa ta'ala, de la peur et de la crainte envers Allah Azza wa Jalla, car il sait toute chose subhanahu wa ta'ala. Même si jamais il est amené à faire des choses en discrétion, Allah Azza wa Jalla ala ilmin bima yafhal subhanahu wa ta'ala. Qala anta tahkum bayna ibadika fima kanu fi ikhtalifun yawm al-qiyamah. Toutes les divergences et les polémiques qu'il y avait dans la vie d'Ishiba, dans lesquelles chacun des parties ne se sont pas mis d'accord, Allah Azza wa Jalla sayahkum, et il va juger subhanahu wa ta'ala fima baynahum fima ikhtalafu bayna al-muslimin wa bayna al-kuffar, ceux qui prétendaient que ils étaient dans l'égarement et l'akhiré. Fa'Allah Azza wa Jalla sayahkum yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah, c'est yawm al-haq. La vérité va être établie. Yawm al-qiyamah. Qala ihdini. Là, il a fait la demande. Tout ce qui était auparavant, c'était du sana. Ce qu'on appelle le tawassul. Dans le but de quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce cette dua-là. Exauce cette dua-là. Ihdini. Il a demandé la plus grande des dua. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, min ni'matihi, il a légiféré qu'on lui demande cette dua-là, qu'on le veuille ou non. Dans chaque prière, toute personne qui prie demande tous les jours, plus de 17 fois par jour, il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Ihdina sirat al-mustaqim. Fa c'est une ni'ma qu'Allah Azza wa Jalla a placé dans la Fatiha, une sourate qui est obligatoire d'être lue dans chaque raka'a. Cette dua-là qui est énorme, azima jiddan, ihdini, le fait que tu sois guidé. Et le murad bil hidayah hahuna, c'est al-irshad wa kadhalika tawfiq. Al-irshad, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla te met en face de toi la vérité, wa tawfiq, c'est que Allah Azza wa Jalla te guide à ce que tu œuvres de cette chance-là. Fa ihdini limma ikhtalifa fihi min al-haq bi-idhnik. La personne peut connaître la vérité, mais qui ne la suit pas. Et connaît lequel de ces deux personnes-là, d'un des deux parties, qui a tort et qui a raison, lakin, il suit pas la vérité. Fahuna ihdini, yani guide-moi, c'est-à-dire, expose-moi la vérité afin que je la connaisse, et kazalika, que je la suive. Concernant les affaires dans lesquelles il y a des polémiques, et ça c'est énorme. Et ça c'est azim jiddan, car les polémiques, il y en a énormément. Car les polémiques, il y en a énormément, et on est pas à l'abri de tomber dedans ou bien de s'égarer. Donc on demande à Allah Azza wa Jalla qui nous guide afin qu'on ne s'égare pas. Bi'idhnik, car toute chose est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah rabbul alamin. C'est pour ça qu'on voit certains ulama qui sont mazkur bi'dhaka, certains ils ont des erreurs. Ça n'enlève rien à leur ilm. Lakin, ce sont des bachar, ce sont des hommes qui font des efforts d'interprétation et qui peuvent se tromper. L'insan, il est bihaja ila hidayah. Même si jamais il a atteint un haut niveau dans l'ilm, il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut le voir à travers les ulama, ceux qui, certains y en est, se trompent. Qui font des efforts d'interprétation et qui se trompent. Ça nous montre que l'insan, son qalb, son fahm, il est biadillahi azza wa jalla. C'est Allah qui donne le tawfiq, wa sadad. On a pu voir à travers plutôt le hadith dans lequel le prophète, alayhi wa sallam, il a demandé, il a exhorté les compagnons à ceux qui répondent à cette question-là. Il a dit, il y a un arbre qui est semblable au mu'min, qui ressemble beaucoup au mu'min. Certains, ils ont pensé à tel et tel arbre. Parmi eux, il y avait des nobles compagnons, et parmi eux, il y avait Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Personne n'avait trouvé la réponse, hormis ibn Umar, son fils, qui est beaucoup plus petit que eux, et dans la science, il est moins Harim que son père, ça c'est ma'rouf. Après Abu Bakr, c'est Umar dans l'ilm parmi les sahaba. Malgré cela, son fils avait la réponse et son père ne l'avait pas. Donc la perfection, elle est, c'est Allah qui la détient, subhanahu wa ta'ala, et il donne le tawfiq à qui veut, jalla wa ala. Ça demande ce que on ne soit pas dupé par le peu de science qu'on nous donne. On a très peu de science, et ce très peu de science là il demande qu'Allah azza wa jalla nous donne le tawfiq afin qu'on œuvre de cette science-là. Ihdini limakhtulifa fi min al-haqq bi-idhnik. Naam. Qala innaka tahdi man tasha. Ça s'appuie ila sirat al-mustaqim. Car c'est toi qui guides qui tu veux vers ton droit chemin. C'est-à-dire, c'est toi qui lui donne la réussite et kadalika al-irshad, c'est-à-dire que il lui donne le discernement le permettant de pouvoir cerner entre le vrai et le faux. Fasin du'a ki 'azim jiddan hatta yani en dehors des du'a al-istiftah et les mustahab et les jayyid de prendre cette du'a là afin de demander à Allah Azza wa Jalla qui nous guide dans les affaires dans lesquelles il y a dans des divergences. Et il y en a énormément, malheureusement. Enfin, ce hadith-là, c'est un hadith, même s'il a, mais il a supprimé, peut-être que Cheikh Al-Iryani, il est de l'avis de certains qui voient que le hadith, il comporte un défaut, lakin, qu'a le Cheikh Ibn Hizam, ce hadith-là est tout à fait authentique. Naam. Donc il est légiféré de le dire. كذلك من الأحاديث التي يستحب أنه يستفتح به صلاته parmi les hadiths avec lesquels il est légiféré et recommandé d'ouvrir sa prière, hadith Anas ibn Malik رضي الله عنه أنه قال أن رجلا جاء qu'une personne est venue فدخل الصف il est rentré dans le صف وقد حفزه النفس يعني c'est une personne qui est venue et qui était un peu essoufflée lorsqu'il s'est mis dans les rangs. Il est arrivé en retard peut-être, un peu en retard, et lorsqu'il s'est mis dans le rang et a fait le takbir, حفزه النفس. Il était un peu essoufflé. فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Il a dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala, du louange yani énorme. كثيرا et في العدد طيبا في الكيفية. Donc il loue Allah énormément et de la meilleure des manières. Alhamdulillah, hamdan kathiran, ça c'est au niveau de la quantité. Tayyiban mubarakan fi, au niveau de la qualité. Qala falamma qada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salatahu, et lorsque le prophète alayhi wa sallam a terminé sa prière, faqala ayyukum al-mutakallim bil kalimat. Qui d'entre vous a dit ces kalimat-là, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi. Qala fa'aram al-qum. Fa'aram al-qum, ay fasakat al-qum. Personne n'a parlé. Faqala, yani al-Nabi, عليه الصلاة والسلام أعاد فقال أيكم المتكلم بها فإنهم لم يقل بأسا كي دنخبوا أبعلي كا إنا بدي إن شوز يعني كي يريبخمندب فإي سسون تيو en pensant que plutôt cette personne là s'est tue en pensant qu'il avait dit une chose qui ne convenait pas dans la prière. Fait le prophète عليه الصلاة والسلام afin de le rassurer a dit qui d'entre vous a dit cela car je cherche à savoir qui a dit cela et qu'il sache qu'il n'a pas dit une chose qui est blâmable. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس. Je suis venu et j'étais un peu essoufflé. قال فقلتها et j'ai dit cette parole. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. Et il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام lorsque tu as évoqué cette kalimate là, cette kalimate, j'ai vu 12 anges se précipiter à prendre cette kalimat-là afin de la monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna, comme on a pu voir, ça fait partie des kalimat al-tayyiba. Wal-amanu salih alladhi yashfah subhanahu wa ta'ala. Ilayhi yashadu al-kalimu al-tayyibu wal-amanu salihu yashfah. Vers Allah azza wa jal, est élevé les bonnes paroles et les œuvres qui sont remplies de sincérité et conformes au suivi du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fa, ce hadith-là, fil haqiqa, il ressemble au hadith qu'on a pu voir dans le cours dernier, dans lequel une personne avait dit Alhamdulillah, ou plutôt Allahu Akbar Kabiran, Alhamdulillahi Kathiran, Subhanallahi Bukaratan wa Asila. Kazalika, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cela, il a dit Ajibtu laha, futihat laha, abawabu sama. Il a été étonné de cette parole-là, de la grandeur de cette parole-là, car les portes des cieux se sont ouvertes pour cette parole-là qui a été dite. La personne qui est venue et qui avait prononcé ce dhikr. Fa, les ulama, ils se sont interrogés, est-ce que cette personne-là, ces deux personnes-là sont en vérité une seule et même personne, ou bien ce sont deux personnes différentes? Al-Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, il penche vers l'avis de ceux qui ont dit que ce sont deux personnes différentes. Chacun d'entre eux a dit ce dhikr, et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, pour chacun d'entre eux, a demandé qui a dit cette parole-là, et ensuite il a évoqué le mérite, yani qu'il y a à travers ce dhikr, qu'on dit chacune de ces deux personnes-là. Ala, c'est l'avis qui paraît le plus juste, naham. Parce que ce sont deux dhikr qui sont différents. Dans le premier, il est dit Allahu Akbar Kabiran, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukaratan wa sila. Et dans l'autre, il dit Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ce sont deux dhikr différents et deux récompenses différentes. Donc, il a dit Ajibtu laha futihat abawabu sama. Dans le premier, il a dit, les portes des cieux se sont ouvertes. Dans le deuxième contexte, il a dit, 12 parmi les malaïkas se sont empressés de prendre cette kalimette-là pour l'élever vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, ça appuie l'argument de Cheikh Al-Uthaymeen et d'autres parmi ceux qui ont dit que ce sont deux contextes différents et deux personnes différentes. Enfin, il est légiféré de dire cette dua-là, fi dua l'istiftah, plutôt ce dhikr, fi dua l'istiftah, alhamdulillahi hamdan kithiran tayyiban mubarakan fi. Là, on comprend à travers cela que c'est une chose dont le prophète, alayhi salam, n'avait pas pour habitude de prendre pour ouvrir la prière, comme dua al-siftah. Enfin, cette personne-là, il a hamid Allah Azza wa Jal. Il a loué Allah subhanahu wa ta'ala par une louange dont Allah Azza wa Jal lui a inspiré. Ensuite, il a dit, le prophète, alayhi salam, a approuvé cela et dit que, et a montré le mérite qu'il y avait dans le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala de manière quantitative et de manière qualitative. Fahouna kithiran, jiddan, parce qu'Allah, comme on a pu voir à travers la parole de l'imam al-Shafi'i, alayhi rahmatullah, une seule ni'ma, on n'est pas capable de remercier Allah Azza wa Jal comme il se doit. Car la ni'ma, on se doit de remercier Allah Azza wa Jal, et tu ne peux être reconnaissant que si Allah Azza wa Jal t'aide à être reconnaissant. Donc, le fait qu'il t'aide à être reconnaissant, c'est une ni'ma. Car tu ne peux être reconnaissant que si Allah le veut. Donc, le fait que tu aies été reconnaissant, c'est une deuxième ni'ma. Qui demande à ce que tu le remercies d'avoir été reconnaissant, et ainsi de suite, ça se finit pas. Comme on a pu l'évoquer dans le cours dernier, à travers la magnifique parole de l'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi wa alhamdulillahi kathiran, ça, on doit le dire énormément, parce que, ni'am, ils sont kathira jiddan, il y en a beaucoup dans lesquels on est insouciant, et beaucoup dans, à travers lesquels on est ignorant. Tayyiban mubarakan fi, c'est-à-dire qu'on le dit kadaika de manière, au niveau de la qualité. Au niveau de la quantité, kadaika au niveau de la qualité. Mubarakan fi, yani fi al-baraka al-kathira, na'am. C'est une dua, un dhikr qui est légiféré de dire. Le hadith est rapporté par l'imam muslim, rahmatullahi alayhi. Enfin, ça, c'est les duas qui sont légiférés de dire, pour dua l'istiftah. Donc, il y en a 6. Et à travers ces 6-là, on a pu voir que Allahumma lakal hamd, anta nur samad al-ard. Et kadhalika le premier. Wajjahtu wajhi lilladhi fatara samad al-ard. Que ces 3 dhikr ne sont applicables qu'avec les prières qui sont nawafil, abidzat, avec salat al-layl. Amma le reste, le premier qu'on a pu voir, l'ambahid baini wa baina khataya, Allahu akbar kabiran, walhamdulillahi kathiran, wa subhanallah bukatan wasila, walhamdulillahi, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, ces 3, ils sont légiférés d'être dits dans les prières qui sont nafila et celles qui sont obligatoires, na'am. Face à ça, c'est ce qui est évoqué dans la sunna, fi'liya et qawliya, et la sunna qui est taqririya, celle que le prophète a approuvée, mais il n'est pas connu que lui-même l'a prononcée, na'am. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانه وتعالى استغفرك واتوب إليك